rester 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots. Le robot dans 20 ans, je m'appelle Peter. Je l'imagine descendre les poubelles. Je m'en charge volontiers. On est capable de diagnostiquer, de mieux traiter, dans quelques cas, avec l'ADN. L'espoir, finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie. Jusqu'où peut aller la science dans la compréhension du Big Bang? Je vous propose une heure passionnante avec Jean-Philippe Uzan, directeur de recherche en physique théorique au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris. Son domaine est la cosmologie, c'est-à-dire qu'il cherche à faire une description précise de la géographie de l'univers. Il teste des théories. Jean-Philippe Uzan dit qu'il y a une beauté poétique derrière les formules mathématiques, que la science peut générer des émotions. Ce physicien original est l'auteur de Big Bang, comprendre l'univers depuis ici et maintenant, paru chez Flammarion. Mais que peut-on dire du Big Bang aujourd'hui, à la lumière des dernières découvertes scientifiques? Pour Jean-Philippe Uzan, cosmologiste, le Big Bang n'explique pas tout, loin de là. Les aventuriers sur France Inter. Alors le Big Bang, c'est déjà un mot que tout le monde connaît. Donc le Big Bang, c'est plusieurs choses. Et c'est avant tout le nom d'une théorie scientifique. Et ça caractérise ce qu'on appellerait le modèle cosmologique contemporain. Mais quand on dit Big Bang, derrière ce mot, il y a l'idée d'une explosion, d'un moment T. Voilà, exactement. Donc le mot est tout à fait chargé de sens. On peut imaginer que la science, et donc la cosmologie, est en train de nous parler de l'origine de l'univers. Tiens, peut-être que la science nous dit quelque chose sur l'origine du monde, sur une des grandes questions métaphysiques. On s'est tous confrontés à cette question-là, et peut-être que la science y répond, ou peut-être pas. Est-ce que tous les chercheurs sont d'accord sur ce qui s'est passé au moment du Big Bang? Alors, sur ce qui s'est passé au moment du Big Bang, ils sont certainement pas d'accord, parce que c'est le moment, finalement, où cette théorie scientifique se tait. C'est ça qui est assez paradoxal, le nom de la théorie met l'accent sur ce qu'elle n'explique pas. Elle n'explique pas l'origine de l'univers. C'est une théorie qui va expliquer l'histoire de l'univers, comment on est capable de dire que l'univers avait un âge, on va comprendre comment il s'est structuré, comment la matière a évolué, comment les galaxies se sont formées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc de comprendre comment cet univers que nous observons s'est créé, s'est développé, ça, son histoire, sa géographie, mais il ne pose pas la question de l'origine. Alors bien sûr, les théoriciens vont essayer d'imaginer, de remonter toujours plus dans le passé pour avoir une description scientifique de ces premiers instants de l'univers, mais comme on est très très loin dans l'extrapolation, il y a beaucoup d'explications possibles, il y a très peu d'observations, et donc on est dans un cas où on a un débat où les gens disent « Ah, ça pourrait être comme ça » ou « Ça pourrait être comme ça », mais où personne n'est d'accord. Ça pourrait être comme ça ou comme ça, c'est-à-dire? Et ça veut dire que on peut imaginer que peut-être qu'il n'y a pas eu d'origine, mais que l'univers avant était en train de s'effondrer sur lui-même et a rebondi. Peut-être que les notions d'espace et de temps auxquelles on a l'habitude aujourd'hui étaient sous une autre forme, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appellerait en physique une transition de phase. Il y a plein de possibilités. Et c'est les mathématiques qui nous permettent d'explorer toutes ces possibilités. Et le travail des chercheurs, c'est à partir de là d'essayer de dire, bah, en fait, si c'est comme ça, comment est-ce que je peux le prouver? Déjà faire une construction qui soit cohérente, et puis essayer de se dire, et alors quel type d'observation, quel type d'expérience est-ce que je dois faire pour prouver que c'était vraiment comme ça? Et donc notre métier, c'est vraiment un métier en cosmologie, d'essayer d'aller toujours plus loin dans le passé, et à chaque fois d'essayer d'écrire l'histoire de ce qui a pu se produire. Les représentations que l'on a de l'univers évolue infiniment, et depuis les années 50, ça a beaucoup changé. Ah oui, tout à fait. Donc, on a des théories sur l'univers depuis toujours. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Je crois que on voit dans toutes les mythologies, il y a des cosmogonies, donc comment le monde s'est créé. Il y a des cosmographies qui sont des géographies de l'univers mythologique. Et on a besoin de décrire l'espace, l'univers dans lequel on vit. Alors ça a toujours été le cas. Ensuite, il y a eu les développements de l'astronomie. On a commencé à faire des observations, comprendre que l'univers était plus grand que le système solaire, plus grand que notre galaxie, qu'il existait d'autres galaxies. Et puis, il a fallu arranger tout cela. Et donc, si on garde juste deux dates jalons, il faut se rappeler que avant 1924, personne sur Terre ne peut affirmer qu'il existe d'autres galaxies dans l'univers. Puisque c'est Edwin Hubble qui, en 1924, le prouve, il y a moins d'un siècle. Donc, il est évident que la façon de se représenter l'univers il y a un siècle était de façon évidente différente d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a des satellites, on a des télescopes qui mesurent, qui font des catalogues avec des centaines de milliards de galaxies. Donc, votre façon de penser ce qu'il y a dans cet espace, dans cet univers, est radicalement différente. 5 février 1957, Radio-Télévision française. Nous commencerons par l'infiniment grand, l'univers, le monde fabuleux des étoiles. Notre illustre compatriote, le mathématicien Henri Poincaré, écrivait vers 1910 « Il est impossible de contempler le spectacle de l'univers étoilé sans se demander comment il s'est formé. » Une hypothèse récente, qui retient l'attention de savants authentiques, met à 5 milliards d'années le point de départ d'une réaction nucléaire initiale. L'explosion primitive aurait dispersé des fragments qui continueraient à s'éloigner les uns des autres. La grande découverte, c'est que cet univers immense est mobile, en pleine évolution, en pleine vie. Qu'est-ce qui a changé depuis 1957 ? Déjà, c'est très beau cet extrait, parce que on parle déjà d'Henri Poincaré, alors c'est quelqu'un qui m'est un peu cher, hein, parce que j'ai passé quelques temps à la direction de l'institut qui porte son nom. Et donc là, on voit déjà, il nous parle des étoiles. Et alors, c'est donc faudrait voir un petit peu pourquoi il cite ce 5 milliards. C'est quoi ce 5 milliards d'années, d'accord? Alors, ce 5 milliards d'années, aujourd'hui, c'est pas du tout l'âge de l'univers. On pense que l'univers a 13,7 quelque chose, entre 13,7 et 13,8 milliards d'années. Mais ce qui a 5 milliards d'années, c'est l'âge de notre étoile, le Soleil. Donc la question de Poincaré, comment tout cela s'est formé? Alors tout cela, c'est un peu vague, tout cela. Ce que l'on sait aujourd'hui, et ça c'est des choses vraiment établies, on sait comment les étoiles se forment, on sait que les étoiles ne sont pas éternelles, que des étoiles qui sont plus petites vont vivre plus longtemps que des étoiles qui sont plus massives. On est capable, par exemple pour notre Soleil, de savoir quelle va être sa durée de vie. Donc on sait qu'il va encore briller pendant 5 milliards d'années. On sait ce qui se passe quand une étoile meurt en fonction de sa masse. Elle peut soit se refroidir, soit faire une supernova, et ainsi de suite. Il y a toute une façon pour les étoiles de mourir. Donc ça, on le sait et on l'a vérifié. Et donc ça fait partie déjà des questions qu'Henri Poincaré se posait. On a compris que l'univers avait un âge à la fin des années 20. Il a fallu estimer cet âge avec des mesures astrophysiques à partir des modèles. Alors, il nous dit que l'univers est mobile, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a compris dans le dernier siècle, depuis Hubble, donc pas 1924, mais 1929, où ils se rendent compte que l'univers, l'espace, se dilate. Donc là, vous voyez, la science nous apprend quelque chose de fondamental. Autour de nous, l'espace, on a l'impression que c'est quelque chose de donné, qui n'évolue pas, qui ne change pas. La science a prouvé qu'aux échelles cosmologiques, astrophysiques, ce n'est pas le cas. 11 février 1961, Radio-Télévision française. Page scientifique, une nouvelle assez sensationnelle. Nous est arrivée de Londres cette nuit. Elle fait les gros titres de tous les journaux britanniques. Nous avons eu l'occasion de vous en parler dès 7h15 ce matin. Et ce soir, notre correspondant à Londres, Jacques-Olivier Chattard, a réussi à rencontrer l'auteur de ces théories, le professeur Rael. Les théories du professeur Rael sur la formation de l'univers ont fait grand bruit donc dans le monde scientifique, et surtout en Angleterre, où les partisans de la théorie de la création continue sont nombreux. Écoutons-le. Au cours de nos observations depuis 2 ans, nous avons trouvé que la densité des galaxies semble augmenter progressivement à mesure que les distances deviennent de plus en plus grandes. Cette découverte est tout à fait incompatible avec les théories sur la création continue. Les résultats de nos travaux suggèrent donc que l'univers est en évolution et que la densité de la matière en présence dans l'espace diminue continuellement. Nous estimons que nos observations nous ont fait remonter 8000 millions d'années dans le passé. Voilà, ça c'était en 1961 et ça a apparemment créé une révolution dans les esprits. Ah oui, il y avait une révolution. Donc dans les années 20, on comprend que l'univers peut se dilater. Ça c'est les travaux théoriques de Georges Lemaître en particulier et puis Edwin Hubble dont on a parlé tout à l'heure. Mais il fallait convaincre le reste de la communauté astrophysique. Et puis, à partir du moment où cet univers se dilate, où on remonte le fil de l'histoire de l'univers et qu'on arrive à ce moment qu'on appelle Big Bang que personne comprend, il y a des gens qui ont été assez choqué par cela. Par exemple, Arthur Eddington disait que c'était monstrueux, que l'idée que la science puisse dire quelque chose sur l'origine de l'univers est monstrueux. Et donc, il y a des gens qui s'y sont opposés. Et en particulier en Angleterre, il y a le grand astronome Fred Hoyle qui a créé cette qu'on appelle la théorie de l'état stationnaire, qui est mentionnée dans ce petit dans ce petit passage, dans lequel on admet que l'univers se dilate, mais pour rester toujours identique à lui-même, eh bien, il y a de la création continue de matière. Alors ça, c'était une hypothèse cosmologique, et ça avait des implications observationnelles que l'on pouvait tester. Et on va dire que pendant, jusque dans les années 70, il y avait un débat entre les deux théories, et les observations de l'univers ont tranché. Ils disent non, ce n'est pas comme ça, l'univers n'est pas ce modèle d'univers stationnaire, il est bien en train de se dilater, comme l'avait prédit Friedman et Lemaître, comme l'avait aussi vu Hubble. Et donc, cette question du Big Bang, ce moment singulier quand on retourne dans le passé, on doit la prendre au sérieux. Et donc, c'est vraiment une avancée. Mais ça montre aussi comment les idées se construisent. C'est-à-dire qu'en science, on n'est pas avec une vérité. On a des modèles compétitifs. On va argumenter sur des bases théoriques. Mais c'est toujours à la fin l'observation, l'expérience qui tranche. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en 2019, de l'histoire de l'univers, sans remonter jusqu'au Big Bang ? Sans remonter jusqu'au Big Bang. Alors, ce qu'on sait, c'est que on a des observations qui nous permettent vraiment d'avoir sous contrôle, on va dire, l'histoire de l'univers depuis une seconde après ce Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Alors, on sait que dans les premières minutes, l'univers est très très chaud. La matière telle qu'on la connaît n'existe pas parce qu'il est tellement chaud que si on avait des noyaux atomiques, ils étaient cassés. Donc, on a une sorte de bain de protons, de neutrons, de lumière et d'autres particules. On a compris comment, en se dilatant et en refroidissant à partir de ces particules élémentaires, on formait les premiers atomes, en particulier le deutérium, l'hélium, le lithium. On a compris ensuite comment les premiers atomes se formaient dans les quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang. Et ça, on en a une preuve, et c'est les observations en particulier du satellite Planck. On appelle ça le fond diffus cosmologique. C'est cette sorte d'ovale avec tous les petits points de couleur qui a fait la une de tous les journaux vers 2013, qui avait déjà été détecté dans les années 60. On comprend à partir de cette observation où se trouvent les germes qui vont donner naissance aux galaxies. Donc on commence à comprendre la façon dont les galaxies se forment, la distribution des galaxies dans l'univers. Cette structuration de l'univers est comprise. On comprend aussi que la matière qui nous compose, on est fait de carbone, d'oxygène. Sans ça, il n'y a pas de chimie. Eh bien, cette matière ne pouvait pas exister dans quelques minutes après le Big Bang. Eh bien, on comprend que ce sont les étoiles qui forment au cours de leur vie ces atomes. Et que donc, c'est les premières générations d'étoiles qui, en explosant, en supernova, vont rejeter dans l'espace le carbone, l'oxygène, l'azote, qui sont nécessaires à la formation déjà des planètes, mais aussi peut-être de la chimie, et éventuellement d'être vivant comme nous. Donc quand Hubert Reeves disait que nous sommes poussière d'étoiles, c'était pas juste de la poésie, c'était vraiment une image très très forte qui disait la matière dont nous sommes constitués a été synthétisée dans les premières générations d'étoiles. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un savoir qui a quelques décennies, et je trouve qu'il est extrêmement important pour la vie de tout le monde. Vers l'Uni, vous avez reconnu Michel Jonas. Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. La cosmologie n'est pas une science comme les autres. On observe un univers unique et seulement depuis notre position. Une partie de cet univers n'est pas observable. Grâce aux progrès de la physique et de l'astronomie, et avec des télescopes très puissants, on a fait depuis quelques années d'importantes découvertes. Jean-Philippe Uzan, physicien théoricien, est un spécialiste du fond diffus cosmologique. Alors le fond diffus cosmologique, c'est avant tout de la lumière que l'on observe. Alors c'est de la lumière qui n'est pas visible avec nos yeux parce que elle n'est pas dans le banc, dans les couleurs qui sont accessibles avec nos yeux. On avait prédit l'existence de ce bain de lumière à la fin des années 40, et il a été détecté pour la première fois dans la fin des années 60. Alors, il faut comprendre d'où vient cette lumière, et en fait, dans le modèle du Big Bang, l'univers se refroidit, et il y a un moment où la température de l'univers est suffisamment faible pour que la matière, les électrons puissent s'apparier avec des noyaux pour faire des atomes comme on les connaît dans notre environnement aujourd'hui. Et à ce moment-là, la lumière qui était présente va se trouver complètement libérée. Et donc, c'est comme si l'univers était opaque et qu'au cours de cette opération qu'on appelle la recombinaison, où les atomes finalement apparaissent, eh bien, va être libéré dans tout l'espace. Et ça s'est passé combien de temps après ce fameux Big Bang? Environ 300 000 ans après le Big Bang. Et donc, aujourd'hui, quand on observe cette lumière, on observe de la lumière qui a été émise 300 000 ans après le Big Bang. Elle est partout, ce qui fait que si on regarde dans n'importe quelle direction dans le ciel, on la mesure. On est capable de mesurer la température de ce bain de lumière dans toutes les directions du ciel. Donc on sait de combien il s'est refroidi depuis le moment de sa formation à aujourd'hui. Donc on arrive grâce à cette, on va dire, première image de l'univers, parce que c'est vraiment une photographie de l'univers quand il avait 300 000 ans, en étudiant cette carte de température de cette lumière, d'arriver à comprendre et à trouver avoir beaucoup d'informations sur notre univers et en particulier à trouver les petits germes qui vont nous donner les galaxies ensuite dans la suite de l'évolution de l'univers. 6 juin 1979, TF1, le rayonnement cosmologique observé par Penzias et Wilson. Le rayonnement cosmologique est un rayonnement d'ondes radio qui nous parvient de toutes les directions de l'espace et qu'on pense être le reliquat de l'explosion initiale de l'univers. C'est ça. Et cela a valu le prix Nobel l'année dernière à deux Américains. Oui, deux radioastronomes, Penzias et Wilson. Voilà, les voilà lors de la cérémonie d'ailleurs. Le docteur Penzias est là le premier et avec la barbe derrière lui, le docteur Wilson. Alors Nicolas est allé les trouver à Stockholm et leur a demandé le sens de leur découverte. Nous voyons ce qui reste de la grande chaleur qui a présidé à la naissance de notre univers. Comme un four qui s'est lentement éteint et dont nous verrions aujourd'hui les restes refroidis, c'est-à-dire en fait les photons, les grains de lumière. Nous avons établi que cette radiation venait d'au-delà de notre propre galaxie. Depuis, d'autres travaux ont montré qu'elle est présente dans tout l'univers. En fait, chaque téléspectateur en capte une partie sous la forme de ce que les techniciens appellent la neige, c'est-à-dire ce qui ressemble à de minuscules flocons qui passent parfois sur l'écran de télévision. C'était en 1979. C'est tout juste ce qu'il raconte. Donc bien sûr, on a affiné les mesures. Donc aujourd'hui, c'est intéressant la façon dont on parle en fait de ce fond diffus cosmologique. Au début, on vous dit c'est des ondes radio, puis après il vous parle des photons, donc des particules de lumière. Alors c'est là où c'est un petit peu ambigu pour les gens qui sont pas spécialistes, c'est que parfois on parle de la lumière sous forme d'ondes et parfois sous forme de particules, mais en fait ce sont deux représentations de la même chose. Et si on parle en termes de particules de lumière, eh bien si on prend un petit cube qui a 1 cm de côté, donc un peu plus grand qu'un dé à jouer à peu près, et bien dans ce petit cube-là, il y aurait 411 particules de lumière qui ont été émises 300 000 ans après le Big Bang. Donc voilà, donc c'est intéressant. Et c'est vrai, à l'époque où on avait des télévisions, donc plus comme aujourd'hui les télévisions numériques, et qu'il y avait la neige, je crois qu'ils avaient calculé que quelques pourcents, je crois que c'est 5% de la neige de cette télévision était due à ce rayonnement émis dans les premiers instants de l'univers. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et qu'est-ce que ça apprend aux chercheurs, aux scientifiques, aux gens comme vous, ce rayonnement cosmologique? Pour faire une analogie, c'est un petit peu comme si vous arrivez et que vous voyez, voilà, il y a eu un feu, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on voit des braises. Et on regarde ces braises quelques heures plus tard, et bien on peut savoir, il y avait peut-être deux ou trois personnes, ils ont fait cuire telle ou telle chose. Donc on peut avoir des informations sur les conditions de l'univers alors qu'il avait 300 000 ans. Et on peut comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé entre ces 300 000 ans et aujourd'hui. En particulier, comprendre comment l'univers s'est dilaté pendant toute cette période de temps. Et suivant les différentes hypothèses qu'on fait sur l'univers, et bien l'univers ne se dilate pas de la même façon. Donc ça va nous permettre de mesurer en particulier la quantité de matière qu'il y a dans l'univers. Et puis, il y a une chose que ne savaient pas Penzias et Wilson à leur époque, parce que leur mesure n'était pas assez précise. Si on regarde la température dans différentes directions, elle n'est pas exactement la même. Eux, ils avaient vu que c'était la même partout. Mais si on va à 0,001%, eh bien, il y a des petites fluctuations entre la température d'un millième de pourcent entre les différents... À la même distance. À la même distance. Alors, pourquoi? Et ensuite, on a compris, ah bah oui, un gaz qui est plus chaud, c'est en général un gaz qui est plus dense, c'est que l'univers n'était pas strictement homogène. Il y avait des endroits avec un peu plus de matière, des endroits avec un peu moins de matière. Et ce qu'on a compris ensuite, c'est que la gravitation qui fait que la matière s'attire, eh bien, si j'ai plus de matière, ça va attirer la matière environnante, et donc ça va faire des inhomogénéités qui vont grossir, grossir, grossir. Et c'est ces petites fluctuations de 0,001% qui sont les germes des galaxies que l'on observe aujourd'hui. Donc en comparant le fond diffus cosmologique, ces petites anisotropies de température et les cartes de galaxies, on a aussi une compréhension de la façon dont l'univers se structure et pour comprendre l'origine des grandes structures, les galaxies, les amas de galaxies de notre univers. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui du nombre de galaxies dans l'univers? Alors si l'univers est infini, c'est tout simple, c'est infini. Donc souvent il ne faut pas poser la question de savoir dans l'univers. Ce qui est important, c'est dans l'univers observable, dans la partie de l'univers que l'on est capable d'explorer avec nos télescopes. Et là, c'est plusieurs centaines de milliards de galaxies. Quelle différence il y a entre le rayonnement cosmologique et les rayons cosmiques? Alors les rayons cosmiques, c'est complètement autre chose. Ce sont des particules de très très haute énergie qui sont en général émis dans des phénomènes très violents dans l'univers. Il y a d'ailleurs donc des rayons cosmiques de différentes énergies. Et pour les plus énergétiques, il y a encore tout un débat sur leur nature et la source de ces rayonnements cosmiques. Et ces particules arrivent sur Terre. Et on peut, à partir de ces particules, essayer de comprendre ces phénomènes très énergétiques. 25 décembre 1946, actualité française. Mais à côté de la science qui guérit, la science qui tue ne laisse pas de gagner chaque jour, elle aussi, de nouveaux domaines. Au cœur des Alpes autrichiennes, un laboratoire s'est attaqué à l'étude de rayons encore bien mystérieux, les rayons cosmiques. Planètes et nébuleuses diffusent en effet ces rayons invisibles, composés d'électrons capables de traverser tous les corps. Déjà, on a réussi à enregistrer le passage et la fréquence des rayons, et même, grâce au radar, à faire apparaître les corpuscules mystérieux. L'action de ces rayons, très mal connue encore, arrête toute vie, fait dépérir et mourir toute cellule vivante. Impassible, la science ouvre chaque jour de nouveaux domaines, domaines de mort, domaines de vie. On n'a pas pu résister. Ah bah ouais, la science qui tue, ça fait, c'est bien, c'est vendeur ça. Oui. C'est pas mal. Mais c'est la science qui tue, mais aussi qui fait vivre, il le dit à la fin. Est-ce qu'il faut s'en méfier de ces rayons cosmiques? Alors les rayons cosmiques, tout dépend de leur énergie. C'est-à-dire que tous les rayonnements vont être dangereux pour la vie et ça dépend des doses. Donc ça aussi, voilà, les gens qui vont sur la plage, hein, s'ils mettent pas leur crème solaire, c'est dangereux. Donc les rayons cosmiques, ils sont pas si dangereux que ça parce que le nombre de particules qui tombent, en particulier ceux très énergétiques, est assez faible. Et puis surtout, quand ils arrivent sur Terre, ils vont interagir avec les particules de la haute atmosphère et ils vont avoir tendance à se désintégrer. Alors aujourd'hui, il y a une très très grande expérience qui se trouve en Argentine, qui s'appelle le projet OG, dans la Pampa, où on a des détecteurs qui sur des centaines et des centaines d'hectares, et dont le but, c'est de voir, on a ces particules de haute énergie, ces rayons cosmiques qui arrivent dans la haute atmosphère, qui se désintègrent, et avec tous ces détecteurs, d'essayer de comprendre les particules dans lesquelles ils se sont désintégrés, parce qu'à partir de ces mesures-là, on va arriver à comprendre quelle est la nature de ces particules qui arrivent sur notre planète. Jean-Philippe Usan, tout ce qu'on raconte sur l'univers est fait en grande partie d'hypothèses. Comment est-ce qu'on vérifie ces hypothèses ? Alors ça, c'est une question méthodologique très importante. Elle est vraie pour la cosmologie, mais elle est vraie pour la science en général. On ne peut pas faire juste des mesures, des observations, et à partir de ces données, comprendre la nature de notre univers. À chaque moment, on doit formuler des lois que l'on pense être correctes. Et la formulation de ces lois nécessite de faire des hypothèses. Mais à partir du moment où vous avez fait ces hypothèses, que vous avez construit ces lois, vous allez avoir une puissance énorme. Parce que vous allez vous poser la question, et si ? Et si le monde n'était pas comme ça, qu'est-ce que je devrais voir ? Et donc vous allez changer les hypothèses. Et à partir de cela, vous allez en tirer les conséquences. Vous allez créer dans votre tête des univers imaginaires dans lesquels telle loi de la nature n'est pas valable. C'est ce que vous faites, vous ? C'est en particulier ce que je fais. Donc, une des grandes hypothèses du modèle cosmologique, c'est le fait que la gravitation, donc le fait que les objets tombent, est décrite par une théorie qu'on appelle la théorie de la relativité générale, qui a été proposée par Einstein en 1915. Et si cette théorie n'était pas valide ? Aux échelles de l'univers. On sait que ça donnerait dans le système solaire, on sait que c'est une très bonne théorie, on n'a vu aucune faille dans cette théorie. Mais à l'échelle, sur des distances plus grandes que la distance entre les galaxies, quelques microsecondes après le Big Bang, est-ce qu'elle était exactement comme ça ? Donc on se fait la question, et si ? Et donc on va être capable d'utiliser les observations pour dire à quel point l'histoire que l'on observe, qui est basée sur ces hypothèses, est une bonne histoire. Et on va surtout arriver à dire, ah ben sous cette hypothèse, s'il y a ça, il doit y avoir ça. Et on peut le faire pour les différentes hypothèses sur lesquelles repose le modèle cosmologique. Alors c'est quelque chose qui s'est développé dans les 20 dernières années. Et c'est vrai que dans ma façon d'aborder la cosmologie, c'est quelque chose qui a été très cher à ma façon de travailler. C'est-à-dire que je me suis attelé à développer plusieurs thèses, des hypothèses sur lesquelles repose le modèle cosmologique. Thank you. Jean-Philippe Uzan, physicien à l'Institut d'astrophysique de Paris, aime naviguer entre science et philosophie, et la métaphysique n'est jamais loin. L'univers est au centre de nombreuses questions qui préoccupent l'humanité depuis des millénaires. Finalement, les questions posées depuis l'Antiquité sont toujours les mêmes. La science peut aujourd'hui donner des réponses, mais elles sont partielles. Alors une chose qu'on a comprise aussi en physique en général concerne la lumière. On a compris que la lumière avait une vitesse finie. Elle se propage environ à 300 000 km par seconde. Alors c'est un nombre qui est énorme, mais qui pourtant est fini. Ce qui fait que si, quand vous regardez le soleil, eh bien la lumière, quand vous la voyez, a été émise il y a environ 8 minutes et 20 secondes à peu près, si mon souvenir est bon. Ce qui veut dire que vous voyez le soleil vieux de 8 minutes et 20 secondes. Et plus un objet est loin, plus il faut de temps pour que sa lumière nous parvienne. Ça veut dire que quand on regarde un objet dans le ciel, peut-être qu'il n'existe plus. Peut-être qu'il n'existe plus. Donc ça a plusieurs conséquences. Il y en a une qui est un petit peu embêtante, c'est que quand vous regardez le ciel comme ça, vous voyez une photo de plein d'événements qui ont lieu à des époques différentes. Donc il va falloir trouver une façon de reconstruire la hiérarchie temporelle entre ce que vous voyez. Donc de mesurer les distances avec une grande précision. 25 mai 1965, France Inter. Jean-François Denis, de l'Observatoire de Paris. Lorsque l'on observe une nébuleuse extrêmement lointaine, mettons à 5 milliards d'années de lumière, ça veut dire que la lumière a mis 5 milliards d'années pour nous parvenir. Ça veut donc dire aussi qu'on voit la nébuleuse telle qu'elle était il y a 5 milliards d'années. On interprète l'univers comme s'il était homogène, c'est-à-dire comme s'il était, à 5 milliards d'années de lumière de distance, le même que celui qui nous entoure, qui est le seul que l'on connaît actuellement. Et cette interprétation est peut-être un peu hardie, parce que dans le fond, on ne sait pas si l'univers n'a pas évolué. C'est-à-dire que si l'univers que l'on observe tel qu'il était il y a 5 milliards d'années est vraiment le même que celui qu'on observe actuellement. Donc les scientifiques se posent toujours les mêmes questions aujourd'hui. Oui, voilà. Donc là, on voit exactement avec cette affirmation. Donc déjà, cette idée que plus un objet est loin, plus sa lumière a été émise dans le passé. Alors il y a déjà une conséquence à ça. Parce que l'univers a un âge fini et parce que la vitesse de la lumière est finie, on ne peut en observer qu'une petite partie. C'est ce qu'on appelle l'univers observable. Donc en fait, on quantifie le fait que on ne va observer qu'une petite partie de l'univers. Donc vous voyez déjà, on essaie de dire quelque chose sur l'univers en tant que, finalement, sa totalité, en n'en voyant qu'une petite partie. Donc cet effet-là nous limite aussi dans ce qu'on est capable d'expliquer. Et une question comme, est-ce que l'univers est fini ou infini? Et on se rend compte qu'on va avoir beaucoup de mal à y répondre. On ne peut pas distinguer un univers qui est très très grand d'un univers qui est infini. Voilà. Ce sont des questions scientifiques ou philosophiques, finalement? Eh bien, ça peut être les deux. L'expérience, l'observation ne peut rien dire. Je peux venir avec des théories scientifiques qui vont préférer un univers fini ou un univers infini, mais ça n'en reste que des arguments théoriques. Ces questions sont importantes pour l'humanité. On ne peut pas être là à regarder ce ciel et à rester indifférent par rapport au fait que quand je vois une étoile, je me pose la question de savoir est-ce qu'elle va toujours être là. Bien sûr, je me lève tous les jours, je la regarde, je la vois tous les soirs, mais est-ce que dans 1000 ans, 100 000 ans, 1 milliard d'années, elle sera encore là? Et la science peut répondre à certaines de ces questions, elle ne peut pas répondre à toutes ces questions. 5 février 1957, Jean-Claude Péquer, de l'Observatoire de Paris. Pour un astronome, qu'est-ce que c'est que l'infini? Eh bien, pour un astronome, l'infini est une question qui ne le préoccupe guère. C'est une fausse question. Il y a, si vous voulez, il y a un domaine de connaissance qui augmente avec la puissance des instruments. Nous en sommes actuellement à explorer l'univers sur une profondeur de l'ordre du milliard d'années-lumière. Avec les techniques puissantes de la radioastronomie, on peut espérer aller encore 10 fois plus loin. Et la question de savoir si l'univers est infini ou n'est pas infini est plus une question philosophique, en quelque sorte, qu'une question du domaine de l'observation. N'est-ce pas ? L'univers, pour l'astronome tel qu'il l'explore, est peuplé jusqu'à l'infini de matière. Il y a une richesse infinie dans les formes d'existence de la matière. Et il y a aussi bien donc l'infiniment grand, avec cette hiérarchie successive d'organisation de la matière, qu'il y a un infiniment petit, dans lequel plus on creuse, plus on trouve de formes nouvelles d'existence de la matière. C'était Jean-Claude Péquer, oui, de Jean-Claude l'Observatoire Péquer. De Paris. L'infini, c'est un concept mathématique, l'infini, un concept très difficile à comprendre. Les mathématiciens ont mis beaucoup de temps pour définir le concept d'infini et manipuler le concept d'infini. Donc là, se pose une question vraiment de la nature du monde dans lequel on vit. Est-ce que si la physique, la science en reste à ce qu'on est capable de mesurer, on va voir des choses infinies, infiniment grand ou infiniment petites? Alors là, on peut en douter. Est-ce que ça donne le vertige? Ma conviction personnelle, c'est que dès qu'on regarde la nature, on a le vertige. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit. Dès qu'on regarde la nature et qu'on voit la structuration de l'univers, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, quelques minutes après le Big Bang, il y avait une masse informe de protons, oui, de neutrons très chauds, sans structure. Il n'y avait pas d'atomes, il n'y avait pas de molécules, il n'y avait pas de vie. Et en 13,7 milliards d'années, tout ça s'est mis en place. Et vous regardez ces étoiles, vous vous rappelez que ces étoiles, elles forment ce carbone, cet oxygène, cet azote qui vont être éventuellement utilisés pour faire de la vie. La vie ne pouvait pas exister. Elle a dû émerger de ce magma informe. Comment ? Vertige. La même chose pour ensuite, finalement, ces cerveaux qui pensent et qui comprennent l'univers. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'aller loin. Le fait qu'on soit là simplement à regarder l'univers, pour moi, est déjà un vertige. Et le Big Bang, c'était un instant T, c'était quoi pour vous ? Alors le Big Bang, c'est plutôt la limite de ma compréhension. Oui, c'était pas claque. Non, c'est pas claque, c'est-à-dire que j'ai cette construction qui me permet de comprendre l'histoire et la géographie de l'univers sur 13,7 milliards d'années, et puis j'avance, c'est un peu comme un archéologue qui regarde couche après couche, et il y a un moment, je sais que les outils que j'utilise, les théories physiques que j'utilise, ne sont plus aptes à décrire le monde. Et que si, bien sûr, tout a l'impression d'exploser, ça explose pas. Je ne sais pas si ça explose vraiment dans l'univers, ce que je sais, c'est que ça explose sur mon papier, c'est-à-dire que nos calculs, nos théories ne font plus sens. Et c'est ça, le Big Bang avant tout, c'est la limite de notre compréhension de la description de l'univers. Et là, pour nos auditeurs, il y a quelque chose auquel il faut peut-être qu'ils réfléchissent un petit peu. Il ne faut jamais comprendre un objet et la description de cet objet. Et c'est si on identifie la description de l'objet à l'objet, alors qu'on va dire que le Big Bang est un fait physique. Alors que peut-être que c'est pas le cas, peut-être que nos théories ne fonctionnent plus, qu'avec des développements de théories, par exemple, de gravité quantique, on va comprendre qu'il y a eu un rebond, ou qu'il y a eu une autre bulle d'univers, ou un autre scénario. Et dans ce cas-là, il y aura peut-être plus de problèmes, ou un autre problème, parce qu'il y a toujours de nouveaux problèmes. Quand on se rapproche du Big Bang, la physique ne marche plus, la physique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va arriver à des échelles d'énergie tellement grandes qu'en particulier la gravitation, qui est cette théorie mais qui nous parle aussi de la structure de l'espace et du temps, doit être traitée avec les outils de la mécanique quantique. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. On a des théories quantitates pour les théories de gravité quantique, mais elles ne sont pas abouties. Et ensuite, il va falloir en tirer les conséquences pour l'univers. Et donc, il faut accepter que la science ne donne que des explications limitées des phénomènes de la nature, et en particulier de l'univers. Et c'est ça aussi le lot de la science, c'est d'accepter qu'on n'est pas dans un savoir absolu et éternel. Forcément, il y a des théories qui vont évoluer. Oui, les théories vont évoluer. Et la raison principale pour ça, c'est que dès qu'on fait une théorie, vient avec cette théorie tout un lot de nouvelles questions. Et donc je pense qu'on est un peu dans une quête éternelle, qu'on a un peu quelque chose de fini qui est ce qu'on est capable d'expliquer, et quelque chose, alors je ne sais pas si c'est infini, mais en tous les cas qui est largement plus grand, c'est les questions que notre esprit est capable de poser. Et moi j'ai le vertige. C'est bien, c'est une bonne chose. Tu penses à quoi ? Aux rêves inutiles ? Loin d'être sage, je songe comme un singe des villes. Tu penses à quoi ? Ému par l'univers, quand ma vie danse en transe aux bras de l'enfer. De l'enfer. ces histoires inside, tous ces visages inside, si souvent. Ce regard sans âge qui résonne millénaire, tes visages, ma soleil, ces histoires, ma soleil, et tous ces visages, ma soleil, si souvent. Cette vie toxique, je m'envole dans les airs, béton armé dans une armure amère, vague nausée, fébrile, fidèle, éphémère. Avec l'incomparable voix de Mathieu Chédide. Les Saventuriers sur France Inter. Et si nous étions entourés d'univers parallèles? Et si une force inconnue échappait aux chercheurs? La science ne pourra probablement jamais se prononcer sur les origines de l'univers. On s'interroge toujours sur ce qu'est la matière noire et l'énergie sombre. Et il est très difficile de répondre à la question « Qu'y avait-il avant le Big Bang ?» Jean-Philippe Usan, spécialiste de la géométrie de l'univers, attend beaucoup des années à venir. J'aimerais d'abord une surprise. Alors une surprise pourquoi? C'est qu'aujourd'hui on a ce fameux modèle cosmologique et il est extrêmement en accord avec toutes les observations que l'on connaît. Et si on veut avancer, on a besoin de choses qui ne fonctionnent pas. C'est ça les petits fils d'Ariane que l'on peut tirer pour continuer à mieux comprendre notre univers. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne avec quand même quelques petits nuages. Le premier nuage que je ne vais pas expliquer, mais je vais le citer, c'est simple, ce qu'on appelle la matière noire. Donc cette matière qui existerait, dont on ne connaît pas la nature physique. Et puis le deuxième, c'est l'accélération de l'univers. L'expansion de l'univers est en train d'accélérer aujourd'hui. On ne comprend pas bien pourquoi. On appelle ça énergie sombre. À mon avis, c'est un terme qui est très très mauvais, mais ce n'est pas très grave. C'est une façon de dire, on ne comprend pas la raison physique de cette accélération-là. Peut-être qu'en comprenant matière noire et énergie sombre, on va comprendre une nouvelle propriété de la gravitation, ou on va découvrir de la matière que l'on ne connaît pas en laboratoire. Donc ça, c'est des questions qui sont ouvertes, sur lesquelles on a énormément de projets observationnels et expérimentaux. Et la découverte de la matière noire, ça veut dire une particule peut-être que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc ça va changer nécessairement des choses, aussi bien pour la physique des hautes énergies, la physique des particules, que pour la cosmologie. C'est passionnant. Donc ça, c'est passionnant. Mais c'est quelque chose sur du long terme. Donc on cherche des petits hiatus qui vont nous permettre d'aller plus loin. Alors, on parlait de l'univers. Si on remonte dans son passé, aujourd'hui, dans les premières fractions de secondes après le Big Bang, on aurait une phase qui s'appelle l'inflation, dans laquelle l'univers est dans une expansion exponentielle. Et alors, cette phase, elle est très importante parce que elle va créer les petits germes qui vont ensuite donner les galaxies. On aimerait bien comprendre si cette phase s'est vraiment passée et quelles sont les propriétés de cette phase. On a des modèles, on sait qu'ils sont en accord avec les observations du fond diffus cosmologique, mais là encore, est-ce qu'on est capable d'avoir des constructions qui sont en accord avec ce qu'on connaît de la physique des hautes énergies? C'est quelque chose, en fait, qui est encore à combler. Donc, finalement, c'est d'aller un pas plus près vers le Big Bang. 6 juin 1979, TF1. Jean Edman et Hubert Reeves répondent à des collégiens. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Dans le cadre encore de la théorie de la relativité d'Einstein, qui est celle qui marche le mieux pour l'instant, mettons à 90%, eh bien, d'après cette théorie, l'univers, qui est en expansion maintenant, qui était donc très concentré au moment du Big Bang, et qui, à partir de ce Big Bang, est rentré dans une phase d'expansion, il se pourrait qu'avant ce Big Bang, l'univers ait existé depuis un temps indéfini dans le passé, sous forme de contraction. Et puis, c'est contracté, ça a donné un état très chaud, très concentré, qui... d'où il a rebondi et a produit en définitive le Big Bang dans lequel on vit. Et même on peut avoir dans cette théorie d'Einstein d'autres modèles où l'univers subirait une suite d'expansion, de recontraction, d'expansion, de recontraction indéfinie. Il se pose la question de savoir si notre univers est un univers à un seul chapitre, c'est-à-dire qui a commencé en un temps qu'on fait correspondre au Big Bang et qui va continuer à se diluer indéfiniment, ou bien s'il aura des périodes successives d'expansion et de contraction, un peu comme un animal qui respire. On se les pose toujours ces questions. Oui, on se les pose toujours. Alors ce que l'on sait, c'est que, donc là c'est dans les années 70, comme on connaissait très mal le contenu matériel de l'univers, on avait très peu d'observations, une des questions de l'époque c'était de savoir est-ce que l'expansion de l'univers va s'arrêter et l'univers va s'effondrer de nouveau sur lui-même, ou est-ce qu'il va être en expansion éternelle. Alors aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que notre univers se recontracte et s'effondre sur lui-même, c'est quelque chose qui est exclu aujourd'hui. Ça, on sait que c'est exclu. Et qu'est-ce qu'un scientifique comme vous répond à la question « qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ?» Eh bien, c'est une question qui est extrêmement difficile. Alors aujourd'hui, je ne peux pas y répondre. Parce que déjà, le Big Bang, c'est ce qu'on va appeler, d'un point de vue technique, ce qu'on appelle une singularité. C'est-à-dire, c'est un endroit, c'est comme un bord. C'est-à-dire que l'espace et le temps ne continuent plus comme l'espace et le temps dont on a l'habitude ici. Donc, il n'y a pas de notion de avant le Big Bang. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas de temps. Est-ce que c'est un bord? Est-ce que c'est une autre structure? Je ne peux pas le dire. Après, dans certains cadres mathématiques bien précis, on peut aborder cette question d'avant le Big Bang. Dans leur petite intervention, c'est Jean Edman, il dit peut-être qu'on a eu l'univers s'est contracté, on a eu un rebond. Dans ce cas-là, eh bien, avant le Big Bang, il y avait cette autre bulle d'univers qui avait une autre histoire. Mais il faut comprendre finalement comment on passe de l'une à l'autre. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas bien le faire. Quand vous vous dites « et si », qu'est-ce qu'il y a derrière? Et si, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà, et si la gravitation n'était pas celle d'Einstein? Ça, c'est pour moi une des grandes questions, parce que cette théorie, il disait 90%, Jean Edman, tout à l'heure. On sait aujourd'hui qu'elle est testée avec une bien plus grande précision que ça. Et en particulier, il y a une chose fabuleuse qu'on a prouvée, c'est que si on prend deux objets différents, on va dire un stylo et puis une bouteille d'eau, on les laisse tomber dans le vide, ils vont tomber exactement de la même façon. Pourquoi c'est comme ça? C'est très particulier. Et moi, je me suis beaucoup posé cette question-là. Et c'est relié à une autre question que je me suis énormément posée depuis 20 ans. Et si c'était en relation avec le fait que les constantes de la nature ne changent pas de valeur au cours de l'histoire de l'univers? Parce qu'on a des théories qui prédisent que c'est le cas. Donc, vous voyez, c'est « et si la gravitation ?» Moi, je pense que cette force qui est celle finalement la plus naturelle pour nous tous, on est tous tombés. Dès qu'on a essayé de marcher, on est tombé, on fait tomber des objets. C'est la seule force de la nature auquel on a vraiment une intuition. Ensuite, il y a l'électricité. On sait ce que c'est que l'électricité, mais c'est déjà plus compliqué à expliquer. On sait ce que ça veut dire de tomber. C'est pourtant la force de la nature qui est la moins bien comprise. Et si les problèmes de l'univers, cette matière noire, cette énergie sombre, étaient peut-être dus au fait que notre bonne théorie de la relativité générale, qu'on adore parce qu'elle est tellement merveilleuse, mathématiquement parlant, avait une petite faille? Ça aurait quoi comme conséquence? Ça aurait comme conséquence qu'on devrait peut-être repenser les structures de l'espace et du temps. Et donc, fort probablement, une des petites clés pour aller vers ce Big Bang un petit peu plus loin et peut-être expliquer cette singularité ou la voir disparaître. Quand je vous dis « et si », qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? Et si? Je ne sais pas si c'est un « et si », mais on a parlé tout à l'heure de ce mystère, du fait qu'on soit là observer l'univers. parce que il n'y avait pas de vie quelques minutes après le Big Bang. L'univers était trop chaud. On sait aussi, quand on regarde vers le futur, que tout va se dilater, tout va se refroidir, que peut-être dans quelques milliards d'années, la vie ne sera plus possible dans l'univers. Et moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi on a finalement dans cet univers une petite zone de temps dans laquelle la vie est possible. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait que les lois de la nature ont permis à l'émergence d'une certaine complexité et éventuellement de la vie? Ça, c'est une question auquel on parle. Les lois de la nature, on les a reconstruites à partir des expériences. On a eu ces lois de la nature. Et bien sûr, c'est une évidence qu'elles permettent la vie, puisqu'on est là pour observer l'univers et pour avoir fait ses compréhensions. Mais sur le papier, je peux changer la valeur des constantes de la nature, je peux changer plein de choses. Et dans ce cas-là, souvent, ces théories de la nature ne permettent pas à la vie d'apparaître. Pourquoi notre univers est comme ça? Est-ce que la science, un jour, pourra répondre à ces questions? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on part d'une telle question pour en faire une question scientifique. Ça veut dire une question déjà que l'on va formuler, alors plus modeste que la grande question, parce qu'on n'avance que par petits pas. Et puis, d'en faire une construction cohérente et éventuellement de la mettre à l'épreuve de certaines expériences ou certaines observations. Et je crois que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans la démarche scientifique, il y a cette volonté de créer un savoir qu'on va pouvoir être capable de partager avec tous. Et le fait qu'on regarde le monde, que l'on bouscule le monde, est central dans la validation de ce qu'on appelle une idée scientifique. La plupart des scientifiques dans les laboratoires ont des idées mais complètement farfelues sur plein de choses. Et ça fait partie de notre métier. On en débat dans les conférences, on a des modèles qui font des choses mais extraordinaires. On ne peut pas dire au public l'univers est comme ça, on ne peut même pas trop en parler parce que c'est trop débridé. Mais cette phase exploratoire, elle est nécessaire parce que finalement, on ne connaît pas l'espace de toutes les théories possibles. Est-ce qu'elles existent ou est-ce qu'elles se créent? Ça, j'en sais rien, mais en tous les cas, on explore et on a une sorte de foisonnement croissant des modèles, des théories, des structures mathématiques qui sont à notre disposition pour comprendre la nature. Et là-dedans, il faut comprendre pourquoi celles qu'on utilise et qui reproduisent bien le monde, pourquoi c'est celle-là? Pourquoi ça n'en est pas une autre? Est-ce qu'il pourrait exister une façon complètement différente d'écrire les lois de la nature? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Donc moi, je me dis, et s'il y avait des extraterrestres dans une autre galaxie qui étudie le monde comme nous, et qu'un jour on les rencontrait et qu'on serait capable de comparer la façon dont on décrit la nature, leurs lois à eux, de la physique ou de la chimie, et nos lois à nous. On parlerait des mêmes phénomènes, donc elles devraient être aussi en accord avec l'observation et l'expérience. Est-ce qu'elles seraient écrites avec les mêmes mathématiques, avec le même langage, les mêmes concepts, ou est-ce que ça serait radicalement différent? Ça, c'est un rêve que vous avez? Non, mais c'est juste un fantasme. Oui. Mais il y avait ce film, il y a quelques années, où on avait cette rencontre avec les extraterrestres, et eux parlaient sans la notion de temps. Et donc, en fait, il y avait deux langages radicalement différents pour parler des mêmes phénomènes de la nature. Et ça, en science, on le sait. Ça nous arrive, quand on a des théories de la physique, d'avoir ce qu'on appelle des représentations duales. C'est un terme un petit peu de jargon, mais qui veut dire qu'on peut avoir deux représentations mathématiques très très différentes de la même théorie. Et en fait, la façon d'en parler va changer. On peut voir des équations avec un temps ou des structures sans temps, par exemple, et pourtant qui vont expliquer les mêmes phénomènes de la nature. Donc, quand on se pose la question de la réalité, de cette réalité intime de la nature, le temps, les particules, qu'est-ce qu'il faut croire? Parce qu'il faut bien sûr, c'est les théories qui nous en parlent. On ne voit pas le monde microscopique avec nos yeux, on n'a pas d'intuition, on ne sait pas. Et donc, tout ce que l'on dit sur ce monde, en vulgarisant et donc aussi en écrivant et en transmettant à tous nos concitoyens, cette intuition sur ce monde microscopique ou sur l'univers, elle vient des théories de la nature. Si je change la formulation des lois de la nature, peut-être que je ne vais pas utiliser le même langage. Peut-être que je ne vais pas avoir la même représentation. Donc il y a ça aussi, on n'est qu'humain, et donc c'est avec ce cerveau que nous partageons tous, qui a quand même certaines propriétés et peut-être certaines limitations, qu'on comprend déjà ça. Et si un jour, on était confronté à un cerveau radicalement différent et qu'on avait la chance de pouvoir comparer nos savoirs? Le dernier livre de Jean-Philippe Uzan, Big Bang, comprendre l'univers depuis ici et maintenant, est paru chez Flammarion. Cette émission, comme toutes celles de cette série, est disponible en podcast sur Internet. Oui, toute la série estivale des Saventuriers est déjà en ligne sur franceinter.fr. Stéphanie Texier réalise Les Saventuriers avec Rebecca de Nantes. La programmation musicale est signée Djoubaka. À la documentation musicale, Romain Couturier. Demain, Aurélien Barraud vous emmènera pour un voyage extraordinaire au plus près des trous noirs. Aurélien Barraud est chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS à Grenoble. Très bonne fin de journée sur France Inter. Dans un instant, vous retrouverez Jean-Claude Amezen. À demain.